Épitaphe. Cette lame de fond, j'en fais serment, un jour prochain refera surface. Viendra laver l'honneur bafoué, lavera aussi tous ses pavés, trop vite recouverts, d'une plage d'indifférence. Cette lame de fond, j'en suis certain, un jour prochain refera surface.